Faça petite taupée, petite montagnère, faça petite taupée, t'auras de bon gâté. T'auras de bon gâté, petite montagnère, faça petite taupée, t'auras de bon gâté. L'osé veut Dieu, l'eau toute de mamie, l'osé veut Dieu, pas qu'est petit partout. Son rosé est blanc, l'eau toute de mamie, son rosé est blanc, la couleur des ribans.